بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et quand la terre sera nivelée, et qu'il aura rejeté tout ce qu'elle renfermait en son sein, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui tes forces sont relâches vers ton Seigneur, tu le rencontreras alors. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Celui qui recevra son livre dans la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès des siens. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Quant à celui qui recevra son livre par derrière le dos, invoquera la destruction sur lui-même et sera jeté dans le feu ardent. Il vivait tout joyeux parmi les siens et il croyait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, son Seigneur l'observait en tout temps. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Je jure par le crépuscule, et par la nuit, et tout ce qu'elle enveloppe, et par la lune, quand elle devient pleine. Vous passerez certes par des états successifs. Qu'ont-ils donc à ne pas croire et à ne pas se prosterner lorsqu'on leur récite le Coran? Ceux qui ne croient pas le rejettent. Mais Dieu sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un douloureux châtiment, dont seuls seront épargnés ceux qui auront cru et fait le bien. Ceux-là recevront une récompense qui jamais ne s'interrompra.